témoignage de M. Alexandre Baudard, de Vieux-Waleffe, 62 ans, prêtre enseignant, enregistré par M. Claude Mikils. En 1979. Augustine Clapin, vous avez suivi l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 24. Jusqu'à 24 ans. Ah oui. Après vos primaires, vous avez fait quoi? Ah ben, 6 années du primaire, et puis 6 années d'humanité, et à donc 6 années du séminaire. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez fait long à l'école? Ah non, ça c'est disfendu. Ah ouais? Ah, parce qu'on ne peut pas les faire. Ça c'est une punition quand on tire des flibales. Ah ouais? Ah oui. On l'avait déjà à vous? Oh non, non, parce que tu savais bien que ça c'était disfendu, mais on peut les faire le fait. Est-ce qu'on a peur des récitations, des poèmes? Non, non. À cette heure, ils le font, mais des nostalgies, non. C'est c'est-à-dire tout en français. Ouais. Et c'est ce pour ne gâter le français qu'on disfendu dit José Loallon. C'est ça, parce qu'il y a un diacre qui dit aux des Wallons, il y a des tournures spéciales, hein, pour dire, je me mouche, il dira, j'ai soufflé une arène, des affaires, des diables. À Clapec, c'est ce qu'on dit, il a soufflé une arène. Non, mais à Ersta. À Ersta, sûrement, oui. Donc après, vous avez eu une à Ersta. Oui. Alors, après vos primaires, vous avez eu à Ersta, vous avez fait l'humanité. Quand j'ai soufflé le Wallon de Litch par le premier coup, d'une comprendre des FNABECO, d'une avait FNA l'habitude, naturellement. Et ça m'avait tout dit frappé, j'ai soufflé une arène. Ça, c'était la façon dont on le dit. Et si vous traduisez tout là en français, j'ai soufflé ma narine. Pour le français, ça ne va pas, naturellement. Vous avez tout trouvé. Ça se passe sous là qu'on disfinde. Je pense que j'ai que ça se passe sous là qu'on disfinde les Wallons escoles. Vous avez tous les trouvé qu'il voit l'antichest plus expressif qu'il se Clapec Oh, il est pas. C'est un Clapec, vous l'avez josé comme un gamin. Ah, mais non, je ne l'en ai josé, je l'ai royou simplement. C'est ça. Alors après cela, vous avez fait aux humanités, Charles. À Est, et à Litch. Et puis le séminaire à Litch, à vous. Qu'est-ce qu'il fallait faire ce matin dans le séminaire? Fallait faire 4 ans, 2 années. 2 années de philosophie et 4 ans de théologie. 4 ans de théologie. Ah oui. Et on arrive dans le séminaire à Lille. Ah oui, c'est comme interne. Comme interne, oui. C'est obligatoire. Hein. Ah oui. Et c'est sévère. Ah oui. Ah oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une politique de sortie à Tosseux? Oh, ben, ça n'arrivait pas. On en veut d'un bec ou des congés non plus. On m'a dit qu'on peut aller à deux. Oui, mais pour les promenades, sous là, pour les promenades, on a ce nassu, Marlo, pour tourner à Albron. Ah. On peut les faire les tosser, naturellement. Il y a des années de philosophie, on a peur des fruits dans les livres. Les philosophies. Les philosophies générales, tous les auteurs. Oui, tout ce qu'on peut raconter là-dessus, on a tellement des affaires. Et après cela, il y a plus à temps, c'était 4 années de théologie, attends. Et la théologie, c'est le professeur d'Illich qui a tenu cela. Le professeur d'Illich, oui. Bien sûr, l'investir à Louvain ou à Rome, ça c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il décidait en Cardiff, il fait curé, l'autre? Ah, sous là, c'était dans cet évêque qu'il décidait. Hein. On est dans la ligue? Non, mais seulement, on vous a vu. Vous avez juste examiné, on veuillait, on peut ce qui convenait, faut ce qui ne convenait. Non. C'est ça. Hein, quoi, c'est ce. Et bon, on vous a dit. On m'a dit. Enseignement. Ah oui, enseignement. Et j'ai au collège des langues. Des langues. Et j'ai au collège d'Ihu, Charles. Hein. Ah. Et pas et j'ai fait 7 ans là. Hein. Vous avez fait une licence en tant qu'on fait enseigner les langues. Non, j'ai appris sur la tosse. C'est ce qui est une langue. J'ai déjà donné le flamme, l'anglais, l'allemand, latin. J'ai jamais fait un sous-là. Ah oui, oh oui, Béco. Ah, oui. J'ai demandé 7 ans. Là. Et puis, attends, j'ai acheté deux co-vicaires. Deux co-vicaires. À Yvon Ramet et à Antèche, à Lacosté. Hein. C'était fort populaire, Yvon. Ah oui, oh, ça c'était populaire, les deux costés, oui. Yvon Ramet est pratiquant. Non, mais ça c'était mauvais. Il fallait qu'il m'aide. C'est les co-astures. En vicaire, ça nous met. Nous étions deux. À ce moment-là, Master n'a plus. Hein. Tout cela est fini. Et après ce vestiaire. À Donjasticur, et alors à Nalcondro, près d'Ouffet. Et puis alors à Slin. C'est tout de l'évêque qui décide. Ah oui, c'est l'évêché qui envoie. Donc, curé à... Séchal. Près de Slain. À Slain. Côté de Fex, là. Ah oui, juste à côté de Fex, oui. Et puis à Séchal. C'est tout un dépaysement, cela. On s'est vite habitué. Hein. Ouais. C'est le même genre, dit-on les costés. Est-ce que ça répondit à vos souhaits? Tu ne sont même malheureux, sûrement. C'est fort lui-même. Mais seulement, ça, c'est une autre affaire, sous la parce que, dit-on les costés, ça a bahi beco. Hein. Il y avait sûrement un beco des pratiquants, Charles, non, c'est un peu comme dit-on les costés, enfin. Maintenant, un peu plus, un peu moins. Et vous faites quoi de Michel? Pour le dimanche, j'ai quatre. Samedi soir et le dimanche. Il est obligé de dire à toi de Michel? Ah oui, c'est un avis. C'est un beco, mais ça peut tout de même aller. Ça a un fouet en Bahia. Et les confessions, est-ce que ça a un Bahia? Ah oui, qu'on peut plus. Pourquoi est-ce que là? Il est bien comme il est tout dit. Ah oui, assez bien. Ah oui. Donc il fait... C'est une scène. C'est le secret des bons dieux, parce qu'il y a une scène à ce qu'on veut dire là-dessus. Il a un peu des socialistes, Charles, qui est catholique. C'est assez représenté. Aslin, c'est le contraire. C'est les intérêts communaux. Un petit peu de socialiste à vous, mais des intérêts communaux. Hein. Donc, plutôt catholique, là. Oui, tu as demandé 15 ans à cela, juste. Vous avez que le rôle de gérer l'ambulance, non? Ah oui, à Wonk. Oui, dis-la que vous, bah oui. Il attendit là. Il se prépare à vous de faire un bail. Ben oui, c'est le même affaire partout. Hein. En deux belles printes comme ça, hein. Est-ce qu'il n'a pas... Pendant la guerre, vous restez à l'armée. À l'armée. Ah oui. Juste mobilisé. J'ai fait le service et la mobilisation. Sur 2 ans. On s'est à peine libéré, on avait fêté le classe et 3 jours après, on recommençait pour la mobilisation. Hein. Oui. C'était où ça? À Lich. J'ai fait le service pour Léopold et à Don pour la mobilisation. On s'est dans un peu 50 cantonnements. Vous étiez déjà prêtre à ce moment-là? Oui, non, j'ai fait au séminaire. Ah bon, oui. Sinon le prêtre disait c'était indispensable. Ah, non, il est allé à vous. Hein. Ah oui. Ah oui. Mais juste au séminaire à ce moment-là. Est-ce qu'on a vu des permissions comme le séminaire, pour aller au séminaire suivre des cours? C'est-à-dire, non tout à fait, mais quand on avait fait une permission, on devait passer limitant au séminaire. Et l'autre mi-temps, c'est ce bon, non, hein, bon, vous allez à le bon. Mais on devait t'en dire passer une partie de la permission au séminaire. Ça, c'est obligatoire. Et à donc, pour les cours, nos avis des professeurs qui venaient donner des cours dans les soirs. Hein. Et comme sous l'homme Pierre Desnato. Et à donc, on s'enlève passer des examens, dit à Zint. Hein. Les contrôles CV. Ah oui, les examens, c'était tout dit, là, pas fonctionné. Et on demandait des aumôniers de l'armée. Oh, mais c'est pour depuis Vigna. Hein, oui. Un navif, mais pour nous, c'est un astinin, quoi. À ce degré-là, hein, sûrement pas. Ah, pas drôle. Dit comme tout le monde, il va drôle. Ben, d'une scène, hein, mais d'une scène qui... on s'est plus nerveux. On s'est plus tracassé. Et les villes déjà dit, hey, ça allait fmi d'alte, hein, mon cher le curé. On s'était plus calme, on s'était plus serviable. Et tu penses que c'est vrai. D'une certaine manière, c'est vrai. Bon, on s'était mis dans le studio de Ficastur. J'y pense, ah ouais, c'était plus vrai. Dieu. Solidarité indien ou... Oui, ça c'était plus haut, c'est plus accueillant. Plus accueillant, bien sûr, les gens sont plus freux, là, ce n'est plus le même genre. Et même entre les curés, on s'est meilleur camarote Castor. On est frères peu nombreux, donc on a difficile de trouver une saquille. Des conférences, monsieur là, c'est une affaire. Oui. À tour de rôle. Divinatons les presbytères à tour de rôle. De théologie, de le pastoral. Quand on dit au professeur qui vient surtout. C'est ce qu'on dit nous qui doit préparer un sujet et qui fait le conférence. Et alors, on discute. Des questions pastorales. C'est Ptolémée, celui-là. Ptolémée, ah oui. Et là, ils vont savoir, pour les autres curés, c'est un ami, là, par moi, c'est une question. D'une passe, non. Il y a vraiment des pratiquants qui ont le messe à la TV ou à la radio. J'y pense que oui. Des villageois qui rotaient trop facilement et dans tous les dimanches à 11h, j'y crois, à 11h, hein, c'était une messe à la TV, et il y a beaucoup qui relouquaient. Elles sont bien faites en général. Oui, j'y pense. Hein. En France, au Charles de Belgique. Et quand on dit chaque fait des paroisses. Ah oui. Oui. Vous pensez que c'est plus emballant pour les villégiens que ce messe-là qui est... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est parce que nous savons un beau dia dont elles sont contentes d'avoir une messe comme celle-là. Mais je pense que si elle pouvait venir dans l'église, elle serait encore contente d'y le faire. Hein. C'est une fête qui a des musiques chorales à la TV, qui chante. Non. Je n'ai pas eu l'occasion d'y faire une messe comme celle-là, mais je pense que c'est bien. Seulement, les gens disent eux-mêmes, c'est bien, mais c'est parce que c'est le TV qui est là. En fait, c'est une messe vraiment spéciale, mais si on allait en dimanche ordinaire, est-ce qu'on verrait tout cela? Ben, des chances qu'il n'y a. Hein. C'est parce qu'on le fait exprès pour le TV. Hein. Donc, on met tant et sonne. Mais divin, une église ordinaire, hein. On fait ce qu'on peut, avoue ce qu'on a, mais c'est une interdit extraordinaire. Je pense que c'est vrai qu'on sera tous des protestants, qu'ils en aient. C'est l'auteur qui l'a classé sous la... Oui, on se pensait, mais... Il pense qu'ils voulaient dire que tous pratiquent Charles à les églises catholiques, aux adoptives en pour... Si Nanasi est mal à Rigizoula, parce qu'il est déjà aimé battre protester, hein, donc... C'était pour les... Les musiques rythmées, les... John Littleton et tout cela. Non, spécialement. Non, non. C'était plus traditionnel. Oui, jamais vu. Mais on fait ce qu'on peut, avoue ce qu'on a, parce que... Ça n'en avait appris, Charles. On s'est fait beaucoup des illusions, avoue cela, mais ça n'en a donné grand, tu vois. Son succès de nouveauté, on avait dû, ça va ramener les John, ben les John, ils sont moins rives, nous. C'est né à le fait que les églises sont en arrière plus modernes. Je ne pense pas. Elles sont trop freuses. Mais quand on a quoi une belle messe à cette heure, en plein champ, les gens aiment quoi sous là. Les gens aiment quoi les messes en latin. Oui, ouais. Les chants. Les messes comme telles, c'est en français, mais dans les chants, on a quoi les chants latins comme on les avait fait dans le temps. Les curiers, les gloria et tout cela. Et les gens sont un compte. Tout le monde chante, et ça va, on aime comme un sou là. Vous pensez qu'il y avait d'un curé au XXe siècle, c'était un peu monotone? monotone, on peut en dire cela. Décevante. Bon, c'est comme partout. Vous faites. On avait dans les résultats qui vont vous rire à veille, mais on peut dire est-ce content comme cela. Mais c'est une monotone, on ne sait pas ce que c'était qui s'ennuyait. On entendait une sacrée affaire. Donc, on était où de l'autre. Et pour cela, ça va bien. Et pour le résultat, qu'il faut y dire, hein, celle-là. Bah, c'est vrai que c'est qu'il faut recycler dans les curés, qu'il faut faire, vous savez, ni en théorie, ni en pratique. Bon, je ne pense pas que ça donne grand chose non plus. On a déjà voulu faire sous l'homme. Une passe, là. C'est de la théorie, de la théorie, de la théorie. Ben, une fête qui vous est divale pratique. On ne fait rien de plus à vous, sous-là. Est-ce qu'il faut passer les prêtres ouvriers, par exemple? Mais personnellement, j'y sens compte. Ah oui, carrément. Pourquoi c'est... Oh, ben, c'est une idée à mais... mais... Parce que j'estime qu'il... qu'il m'a à dire, sous-là. Il va raconter une histoire, hein. Et il y avait ce en prêtre ouvrier, du Sclessin ou des écostés là, ou gris. Et ses camarades, Lydie Heif, qui prend le place dans chômeur. On veut pas qu'il s'en aille à Mesti. On aimerait qu'on mette pas y ait une champ, hein, et qu'on pourrait aller te trouver quand on est en maison de toi. Hein, pour un conseil, pour une consolation, etc. On a vraiment commis sous là. Ça c'est ce que tu m'as dit de prêtre. Hein, ben, pour faire ce que tu fais, on m'a dit de manœuvre. Hein, c'est une alpone, une autre livre à vous. Témoignage.